importance. Le beau vieux temps de la belle époque. De nos jours, tout a changé. C'est l'époque de la grande ville. Et le souci majeur de l'homme moderne, c'est l'argent. De nos jours, tout a changé. C'est l'époque de la grande ville. Et le rêve de tous les hommes actuels, c'est la partie. Écoutez-moi ça. Les autres misères.